Piste 50. Exercice 9. 1. Le petit ami d'Antonia, c'est le petit frère d'Olivier. 2. C'est un grand actif. Il prend des cours de judo. 3. Nos enfants sont très timides.